Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Te ressembler, te connaître et t'aimer, tu m'as justifié, tu m'as tant aimé, oh, te ressembler, oh, te ressembler. Je serai comblé, bonheur t'en rechercher, à tes côtés m'aider, oh, te ressembler. Oh, sauveur, mon maître Jésus-Christ, divin chef de ma vie. Le salut et le ciel, je veux t'aimer et t'obéir par ma vie. Oh, te ressembler, te suivre et te glorifier, t'aimer encore t'aimer comme tu l'as fait le premier. Oh, te ressembler. Oh, sauveur, mon maître Jésus-Christ, divin chef de ma vie. Entre le salut et le je veux t'aimer et t'obéir par ma vie. Oh, te ressembler, ainsi je serai comblé, bonheur t'en rechercher, à tes côtés m'aider. Oh,